voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Avolété. Coucou le Tedenta, la voix de la résistance du peuple togolais. À quelques heures du dialogue sur la crise sociopolitique au Togo, nombreux sont des Togolais qui s'inquiètent. Pour certains Togolais, ce dialogue doit être le dernier devant aboutir à une alternance pacifique à travers une transition. Le Front citoyen Togo Debout a tenu hier à Lomé un grand meeting d'information car pour ce front, ce dialogue doit se faire dans l'intérêt supérieur de la nation. Un dialogue de trop ou un dialogue pas comme les autres? Comment maintenir la flamme de mobilisation, du moins de la diaspora? Raph Tochou, coordinateur des combattants de Charlotte aux États-Unis, est l'invité de votre émission La Voix du Peuple. Eh bien, citoyens togolais, nous ne devons pas les oublier. Joseph Eza, Messène Kokoroko, tous membres du mouvement citoyen Nubweke sont gardés en prison depuis plus de 3 mois. Nous demandons leur libération. Merci de nous être fidèles. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Et nous accueillons tout de suite notre invité depuis Charlotte aux États-Unis, Raph Tochou, bonsoir. Et merci de nous accompagner en ligne depuis Charlotte aux États-Unis. Justement, c'est la première fois que vous intervenez dans cette émission. Bonsoir Amos, merci de m'avoir tendu le micro de la station à vous l'été, radio de la résistance. Merci aussi aux auditrices et auditeurs de la radio à vous l'été qui ne cessent de mettre à notre disposition toutes les informations de la vie sociopolitique de notre pays, le Togo. Amos, bravo pour vraiment tes efforts. Nous te jetons des fleurs. Eh bien, je rappelle que Raph Tochou est coordinateur des combattants de Charlotte aux États-Unis. Et là, écoutez, la crise sociopolitique perdure et nous sommes à quelques heures de l'ouverture d'un dialogue entre pouvoir et la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Un dialogue de trop ou un dialogue pas comme les autres, Raph Tochou? Eh bien, la crise politique togolaise perdure, bien sûr. C'est d'ailleurs pour trouver une solution adéquate à cette crise qu'un dialogue sera ouvert ce jeudi dans la capitale du Togo. La question que les uns et les autres se posent aujourd'hui est de savoir quel est l'élément nouveau que ce dialogue nous apportera par rapport aux autres dialogues qu'il y avait eu dans le passé. Bien, nous, les combattants de Charlotte, avons analysé la situation et nous nous sommes dit en principe qu'il n'y a pas grand-chose à espérer de ce dialogue. Parce que le dialogue en soi, le Togo en a connu. Une série de dialogues a été connue par le Togo. Maintenant, le problème, c'était comment respecter les accords accouchés par ces dialogues. Et c'est ça le nœud. Donc, nous, les combattants de Charlotte, nous sommes très positif quand même, mais nous nous gardons de de croire que ce dialogue serait ce bâton magique pour régler ou bien pour donner une solution durable à cette crise. Nous invitons plutôt le gouvernement à être sincère et nous demandons aussi à la coalition de poser des garde-fous qui permettront de respecter les accords que les protagonistes auraient dû signer. Mais selon vous, ce dialogue doit-il être inclusif et ouvert au public togolais? Amos, les revendications de la population sont claires. Les revendications de la coalition des 14 sont claires et nettes. Ramener la constitution de 92, le vote de la diaspora, le départ de front. Maintenant, le RPT de l'autre côté, lui, il veut force représente encore en 2020. Et c'est là où il parle de la rétroactivité de la loi. Mais nous, nous disons que nous ne sommes pas dans une monarchie. Le Togo n'est pas un état de monarchie. Pour ce point, les Togolais ne veulent et n'entendront pas de leurs oreilles le fait que Faure se représente encore en 2020. Alors, nous, les combattants de Charlotte, nous voulons demander très sincèrement au gouvernement d'être sérieux et de ne pas mettre ce pays dans une crise infernale. Donc, de faire en sorte que ce dialogue puisse aboutir, d'être sincère à ce que ce dialogue puisse aboutir. Vraiment. Nous, combattants de Charlotte, avions pensé que, en principe, la diaspora devait être représentée dans ce dialogue. Mais pour une raison ou une autre, je ne sais pas si cela sera fait ou pas, mais à ce que nous sachions à ce jour, je ne sais pas si la diaspora est représentée dans ce dialogue. Donc, c'est les points, et quand nous parlons de l'inclusivité de ce dialogue, il doit avoir des analyses très sereines parce que si le ministre Bahora parlait de à ce que tous les sujets soient discutés, mais on se demande de quoi il parle. On se pose la question de savoir en quoi a dit en quoi il veut en venir. Nous mettons en garde que la réussite de ce dialogue dépendra de la bonne volonté de ce gouvernement. Mais justement, des acteurs politiques à l'instar d'Agbome Kodjo insistent sur la présence de l'armée à ce dialogue. Haftotu, est-ce que vous partagez cet avis-là? Amos, dans un pays normal, l'armée, en principe, doit protéger le territoire, protéger la population et protéger les biens de notre pays, dans un pays normal. Mais nous constatons aujourd'hui que cette armée utilise les armes achetées par l'argent du contribuable contre le contribuable. Et c'est ça l'anomalie que cette armée représente. Cette armée est à la merci de Nyasingbe. Maintenant, si je recule un tout petit peu, juste après la conférence souveraine, après la conférence nationale souveraine, le feu Eyadema était fini. L'erreur que l'opposition avait faite, c'est de ne pas arriver à démanteler l'armée, à affaiblir cette armée. Et le résultat, nous tous, nous le savons aujourd'hui. Et c'est là où nous en sommes. Moi, j'ai toujours dit, il faut nécessairement trouver une solution à l'armée. Nous ne pouvons pas nous battre, nous ne pouvons pas rester dans la rue pendant 6 mois et que quand il y a une solution qui sort de ce dialogue et que cette solution soit anéantie par l'armée. Donc, quand je prends le ministre, comment l'appelle-t-on, Agbeyome Kodjo, ce dernier, il n'est pas n'importe qui au Togo. Ça, nous tous, nous le savons. Agbeyome Kodjo fut ministre, premier ministre, directeur du port, tout ce que vous voulez. Et Agbeyome Kodjo est l'un des architectes de l'appareil RPT Unir. Si aujourd'hui ce dernier se lève et nous dit qu'il va falloir que l'armée soit mêlée à ce dialogue, moi je me dis que il a raison. Bon, on doit trouver une solution à l'armée. C'est très important. Ça, c'est moi. Il y a certains qui ont dit, OK, la Constitution dit ceci, la Constitution dit cela. Nous ne sommes pas dans un pays normal. Dans un pays normal, on applique la Constitution. Donc, l'armée, en principe, doit faire partie de ce dialogue. Ça, c'est selon nous, les combattants de Charlotte. Mais justement, on peut aussi comprendre votre position, Raptochou. La mobilisation doit continuer selon bon nombre de Togolais qui ont soif d'une alternance. Hier, le Fonds citoyen Togo Debout a organisé un meeting à Kassimé, à Lomé, à propos de ce dialogue. Alors, vous êtes coordinateur des combattants de Charlotte, Caroline du Nord, aux États-Unis. On sait que par le passé, vous avez mené des actions en soutien à la coalition et autres. Alors, qu'est-ce qui se fait concrètement à votre niveau, afin de maintenir cette flamme de mobilisation de la diaspora? Les combattants de Charlotte ont très tôt compris que seule la marche pacifique peut mettre la pression sur ce gouvernement. Les combattants de Charlotte ont compris que cette marche a besoin d'argent. Nous avons eu le temps de nous rapprocher de la coalition des 14. Nous leur avons posé la question de savoir comment les marches se font, d'où viennent les fonds, et après explication, on a vu que nous devons faire quelque chose. Donc, on a pris le temps d'expliquer à la population de Charlotte, on a pris le temps d'expliquer aux Togolais de Charlotte pourquoi on a besoin de leur apport financier pour permettre de maintenir la pression sur ce gouvernement. Et c'est ce que nous faisons. Je saisis l'occasion pour remercier très sincèrement la population de Charlotte, les Togolais de Charlotte, pour leur bravoure, pour leurs gestes. Vous êtes les meilleurs. La lutte continue et elle ne peut que continuer. Personne ne viendra le faire à notre place. C'est nous qui devons nous lever. Nous sommes debout aux côtés de la coalition des 14. Nous voulons donner le bon exemple à tous les Togolais dans tous les États des États-Unis ici. Sinon, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Nous ne pouvons pas rester dans nos coins croyant que quelqu'un d'autre le fera à notre place. Non. Donc, nous avons compris et que nous sommes déterminés à bouger terre et ciel pour mettre nos ressources à la disposition de la coalition pour faire le travail. En tout cas, on ne peut que souhaiter beaucoup de courage à nous tous pour une bonne organisation au niveau de la diaspora togolaise. La diaspora togolaise doit aussi s'impliquer davantage dans cette lutte. Alors, nombreux sont des acteurs qui pensent à l'ouverture d'une transition politique. Qu'en pensez-vous, Raph Tochou? Amos, une ouverture de transition politique est très capitale pour notre chère patrie, le Togo. Après le départ du gouvernement de Faure, il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de changements. On doit restructurer l'administration, on doit restructurer l'armée, on doit, sûrement que même, tu sais, dans les pratiques ou bien avoir le mode de fonctionnement des dictateurs en partant à 99%, ils vident les caisses de l'État. Donc, supposons que Faure n'est plus au pouvoir. Faure n'est plus aux affaires avec sa clique. Mais imagine-toi que ces derniers vont racler la caisse de l'État en partant. Donc, il y aura un vide qu'il faut combler quand cette transition politique se mettra en place pour travailler. Donc, on a besoin vraiment de restructurer intérieurement toutes les institutions du pays. Et aussi, on a besoin de faire appel à l'extérieur parce qu'on aura besoin des fonds pour reconstruire notre pays. Ça dit, c'est un passage obligatoire pour le Togo qui a connu vraiment un bouleversement politique et économique depuis plus de 50 ans. Eh bien, comment réagissez-vous à la déclaration du président nigérien Buhari sous forme de pression sur le pouvoir togolais? Alors, Buhari s'inquiète vraiment du cas togolais. Il parle également d'une transition apaisée pour une sortie de crise. Alors, mais la question qu'on se pose, on l'a posée plusieurs fois à nos invités dans cette émission La Voix du Peuple, mais transition conduite par qui, Raph Tochou? Écoutez, Amos, la déclaration du président nigérien est claire et on doit aussi comprendre par cette déclaration que tout le monde est en train de dire à Faure de quitter le pouvoir, mais il ne veut pas entendre ça de ses oreilles. Voilà. Et si le Nigeria aujourd'hui fait cette déclaration, c'est que quelque part il y avait eu des discussions sous table pour lui donner la chance, pour donner la chance à Faure de quitter le pouvoir d'une manière très paisible et d'une manière très calme, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc bon, a dit, nous sommes arrivés à un moment où il faut que les chefs d'État africains comprennent que nous devons évoluer, que l'Afrique doit en principe évoluer. L'Afrique ne doit plus être un lieu où les gens viennent, c'est-à-dire piller, prendre des ressources comme bon leur semble, ce que nous ne pouvons pas aller faire chez eux. Qui peut aller en France, par exemple, pour prendre quoi que ce soit en France? Qui? Donc, ça dit que la déclaration de Buhari, moi, c'est en principe, c'est un ton ou bien c'est une déclaration qui doit en principe réveiller tous les États, tous les présidents africains qui veulent s'éterniser au pouvoir, que nous ne sommes plus à ce temps, que ce temps est révolu. Vous voyez, que ce temps est révolu. C'est-à-dire, quand vous restez au pouvoir longtemps, vous ne pouvez rien faire que de piller, que de voler. Vous voyez? Donc bon, à dire, cette déclaration s'inscrit dans la logique de la jeunesse naissante cherchant une Afrique très, comment l'appelle-t-on? Une Afrique digne de ce nom, une Afrique qui a une gouvernance permettant à toute sa jeunesse ou à sa population de bénéficier des ressources de son pays, de trouver du travail, que d'aller se faire tuer dans les pays arabes, par exemple la Libye, et ça allait... Bon, c'est un éveil, quoi. Moi, je prends ça comme un éveil. Il faut que les présidents africains arrivent à se ressaisir. Si vous voyez qu'un président veut s'éterniser au pouvoir, à l'heure où nous sommes, il va falloir lui faire signe que ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Bon, c'est une pression, c'est une forme de pression sur le gouvernement togolais de quitter les affaires. Qui peut faire l'affaire de la transition? Ah, bien sûr, c'est une bonne question. Amos, tu sais, le Togo a des filles et fils capable de conduire une transition, tu vois. Et nous ne devons plus être dans ces jeux de ok, qui peut faire l'affaire de l'affaire pour la France. Et il faut que ce soit cette personne là qui soit mise là-bas pour conduire la transition. En principe, le pays ou bien l'État que nous voulons construire ne se passera plus de cette manière. Je sais que nous sommes dans une politique, ou bien nous sommes dans un monde où les Occidentaux ont toujours la même mise sur nos États, mais cette fois-ci, nous allons faire en sorte que au moins on arrive à gérer notre pays comme on veut, pas comme la France veut. Rapidement, une dernière question. Quel sera votre mot de fin au peuple togolais et sa diaspora qui, visiblement, reste déterminé malgré toute forme de menace, Raftotchou? Peuple togolais, nous sommes arrivés à un moment très décisif de l'histoire de notre pays. Les combattants de Charlotte vous invitent à rester vigilants et debout. Continuer de mettre la pression sur ce gouvernement jusqu'à ce que le Togo soit totalement libéré. Jeudi débutent les travaux du dialogue. Nous vous demandons de rester mobilisés dans le pacifisme, car la lutte que nous menons parallèle à la violence. À Sigbalo, restez debout, mais dans le pacifisme. À la diaspora, les combattants de Charlotte vous demande de participer financièrement plus à cette lutte, car la coalition des 14 a besoin de vous. Nous devons comprendre que cette lutte est la seule arme que nous avons, et pour la maintenir, il faut de l'argent. Chers compatriotes, c'est le moment ou jamais. Les combattants de Charlotte veulent mettre à la disposition de tous les Togolais, où qu'ils soient, de nous contacter si vous avez besoin de notre expertise pour collecter les sous et envoyer à la coalition. C'est très important. La lutte continue et elle ne peut que continuer. Les combattants de Charlotte vous encouragent et vous saluent. Merci, merci beaucoup, Raph Tochou. Je rappelle que vous êtes coordinateur des combattants de Charlotte, Caroline du Nord aux États-Unis. Merci d'avoir participé à cette émission La Voix du Peuple. C'est la première fois, mais nous nous sommes très bien compris. Merci et bonsoir. La mobilisation ne doit en aucun cas faiblir. À vous les télos. Coucou le Tétenta. Radio À vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, merci de votre fidélité sur Radio À vous l'été. Coucou le Tétenta. La voix de la résistance du peuple togolais. Parlons maintenant de nous-mêmes, hein. Parlons de comment nous devons nous restructurer au niveau de la diaspora togolaise. Il y a plein de mouvements. Comment ratisser large? Nous allons en discuter tout de suite avec notre invité, tonton De Bruce Edouard, depuis les États-Unis. Et ce sera dans votre rubrique, Il tu as, bébé. Merci de nous être fidèles. Nos vidéos, miaou, ils ont va radio à voler tédi, miaou la voix, mais avant les télos, coucou le tétenta, e wo troya mim gba jibe mi agbonya bu sowu leke ye mi an tomila jamagba ano jira mi adokoro adogo do avoa elete ididi e mi apata bi nyebele diaspora me raso solo vo vo vo vo odoya ogben odoya ogben leke mi ano juro mi die mi a pomposo e haso ye jire ke yo dan koro jibe koji togo koji togo a e oduwe mjiji o et yo le miasi na togo vi lisa debi mi vamia pata mi a odola si la si me le diaspora me voa leke ye koji togo a le o doro me kola nuemo mi a kansi yon akudo mi a fofo Bruce Edwa le Amerika bani gwa di enyi ame kuta gra le ka le koji togo a me a weto e Bruce Edwa mi ho mi dogbe non lo mi ho si bo fonse sere mi a bios e tchache tchabe na le koji togo a de me kela no koji togo me yo diaspora me a me soubo le lo diaspora me soubo me kao le koji togo a mo a me o la wa vwan a vwan to kan le to la no koji togo a me a la te kwenche na mini videa. Amosi, ma dogbe non tutu gben, ma so, mon popo ya chan, ma dogbe ne, radio, avon le TV, to di non towe. Ole biyom sebe meke, we la te non koji togo me ma. Vaken be mado, nenembe, nyantia, nam, tan vitu pire ma ekbe tome. Ne ma, blon ke intiye, koji togo, koji togo, mi do edo. Ne avun ya non son pou so so avun ya egbe no dru e la ten dwe di avun ya ne egbe mle dru na mi wa mi ma ten dwe di yo eno ilome ya parti politik we ne do obo e egbe le dru non wawwe le nkone avun yo le wam li manou mi le poe wawwe le nkone avun fifi societe civil tra le togwa wotan kreye fronde Olivier B, Front Citoyen Togo debout. Voilà, nous vamiagbo les diaspora mea. Et quand les vivent clu sous bord, va ekbem le dunamio. Ekbem le dunamio. Ne e hade ku pele weto. Ao. Mi kwe be allo, mi amedo mi va due jesi. Be ne mi boro du. Yemi somi abension bien mes sousou pata daro et rare caméra yemi le desousou sole ke no ala idontia elagnou et yentimi mi créer koji togo ado me kawela no koji togo mi o amesiame ame organisation allo hasoso kodo ame kem l'organisation de pepe mi le yo abe personne ressource. Monsieur Amelate Noemi, organisation wa odola non est légalement constituée la peau d'oumé. Et quand on veut duke moléa, le diaspora mea duke moléa. Et dit le droit la décime. Mila o madove, daro akbobe yoni hasoso, odola non légalement constituée, keng belatendo kodi togome. A monsieur Amé, tendance de pepe, tendance de pepe elate non kodi togome. Ne ame mi va la ame si ame ne va ne mi a desusu mi a bo obede egbe no duye tutuna klodo estora mi va ni mi a no du unde pekpe yo mi a no du ne mi a wo edo ne togo ma blanchambe e ha susoko pata o le kodi togo mi a mouni fusion benyo ungon ebe ne mi va dos togo kodi togo ame kwa evo mi nirondo me a wo mi akpata mi do autonomie d'action et to keye mi on a sa mi lagba no we mi on mi la non allo e hako pata o le kodi togo mi a o la non accompagner mi ano accompagner hari pekpe ke gbe won ni pekpe ke mi gbe won apa mi lagba no we e ye ni veve to angba le zingbe re di muni fusion benyon ni fusion yo e no a beni e hari pekpe do ngba le bleke et de autonomie d'action. Autonomie d'action est gomenibé. Et hade pepe et vo. Nous kebe on a sang et lagba no we. Et tiens, mi va mi a odo. Et be la no dunami kengbe mi la tem doudi. Ne kbe mi le dunami yo ame mate doudi yo. Mi da si, e nya wuli yo dade. Ame ya imate odo ku awo. Mi da si nya won dade. Mi va ni mi a odo do dou. mi aso mi susu mi aso mi abita mi ape ni mi ade susu ni mi aten de togo ape no enyo ahoto due bruce e joa e mi do ape no do ape nu me kukuta titi me a togo vi disele la nyanu e toko di togo me kela nu me a o de gome chiko chiko mi se gome le nyanto mi ade gbebelo e yang bayi français gbebele do enyo enya kema gba bi o vevi de nyibe e jeji a aso so su gbogbo ngwasan Le kemi o kaka mia mia sina mesia me bina mia otono. Ogbun le français que nobe ratisse large. Le kemi o mia mia sina mesia mo. Mi ma chance yo lo si fa fame o. La te kwedi na mia le ke kodi to godi bia o dwaro. Eh ma do ti no po be ke ye mi e conclave le paria. Mi do comité de pilotage de ani. Ke ye mi vo conclave Comité de pilotage à deux équipes de Annie Kéye à Molémé, à mes deux valeurs, Kéye, voilà nos gogo associations, à l'eau, personnes ressources, comme les Kodi Togo, mais ouah, et voilà nos gogo, là nos pomponons, les Kéola, Milate Odorodou, les Kola Vado Kodi Togo, mais, et Mila Odorodou, eh les gens, et Bekemilea, organisation Bogboudio, ou les Kodi Togo, mais, et Bakboto, mais donc, pour vous, Amiron povo voa am ekipu wale o droa ki mate mdadjo ole o tonto e organizasyon kukbodo ole de ngome ngome de dekwe ni ade ngome ni novyo nketi ni bidou nwa alun keti nwi ale doa ne se kome kwa e la gogo e la o tokudo ye di mile va vegwa chan ni be ok organizasyon ko mdo miyame mdo kodi togo meo fo ne mi sewe Kodi Togo, mi sebe nebe organisation le wo activité, alo wo onde la filia mina. Mina, man exemple de ka ni so le Washington DC, les États-Unis. Et for Masco, autant organisation ni om le Kodi Togo me. Ye o e noa de le conférence de le AIRI, le Washington DC, International Republican Institute. Ye ko o noa le funwa, mi a kodi togo to mi se, ko gbele, mi gbele zona me kwa, mi ye, mi bangba mi ve so teni ni a novi farida. E nou nye de, ne nebe nou ye mle gblon. Mi a nyabe de, avunya ke mi le wo. Alo a me ko, mi ba, mpe a kwa. Ha, ma me vyo ni kron. Nou, e nou ni, Et nous, on y a deux vents, et que les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons deux chances, nous avons 90 B à voir. Nous deux chances, nous avons les gens qui ont été en train de se faire. Et les gens qui ont manage, les gens qui ont été en train de se faire, nous avons été en train de se faire. Et nous avons des capes, et nous avons été en train de se faire. Alors nous avons des capes qui ont été en train de se faire. Yeni egbe mano du ameya gblon ya ameya la to fi la vek blen ya ameya be yoma oleko ameya be ela to ngbe domi ewo bu e di mi le kaka e mi le fi mi va koro fi egbe fi fi ya mi gba woni ni o coalition 14 a mi le da pe ni ma o lete e front citoyen togo debout wotan lete Miao cha fifi mi do kodi togo ya mi nane e noa me tonwa pilia me tonwa no sogbe ni wa wo toro du ke ngbani ni a ngblanke e hako soso ko le fia patapata runo gogo mila no gogo kodi togo ni mi a wo toro du nde pepe mno na parfait au début ni mi onto le ke milano wedoa milano tuido elano e vivivi kakakaka elanyola l'agneau et mia pata mila olo ador assis la cime mia temu a demi a bedoua la mi le pomi a bedoua monsieur Amos ni a neo yina lomio a poli ke mia bedoua le da a compare kudo Ghana a compare kudo Djoko tro do mi a o la mi na mi we a ya fifi mi we a fifi de mi we kakakaka ni mi anten du di la eye nti e nyaya ko bioma e jojina ndo de ke mi la oto an sinergi e pe la no tunami yak patami anodjo e yek bo emila tendo di ndakpe nan. Enyo fofo dwe brous e jwa apo nou mede diyo meko doko miya globe miya pata miya li tatanchi la leke miya oba nyodo wa yek bo mi le di togo e nde le mde bou le togo e miya pata mi le di enya vive ke maga biyo enyebe a chek pakpa yek bo e nou na miyame enyila non kone nou mnyi nyo wa amerek bin toma a son do do gbon le français leadership yek pe won kaka hamle yi ko enyi la non koni o wa meme si français bi nyodo le keye ko di togo di be ya chepo kaka ya gbele nu won gbodo ni la nyode amoro gbon me an ne ko di togo ajo le voir an amela do président o mo no sur le mouvement vous vous vous me an le du vous vous me an comme ça amene ma gbon me o ya ko di togo to wa ha so click bo ni o mo no président tournanta ne wa barnibe a amene ko le suisse vide Jamani to kwa vide, Amerika to kwa vide, aliko kposo nya wanchiri wa wate yeji na mi vide ya. Apeto amose nyako blonwan, ele riel, nyawini, e problem, leadership be problem. Nye la nya megane ha, nuke midoa, ne nye mnye nye okwa, e hama na nyo, ele riel, ele riel. E gmana hagbo boto chan. Eya leke magblendo magblon pobe ne mi son kuso so coalition ke mi yobe c 14 le loami ko le poro ko coalition ke le poro lui ta le loami fifi dia ça fait 6 mois lo et la di divide yo so do ni be coalition wa voa nu an podo taroda le loami o de nu an podo taroda nya an podo taroda nkentio Don't ya du kwa tite. Di kwa ye, du kwa ye. Eye le wavu an fifi. Amon le nkone kwe. Wawe le wavu an fifi. Eye amike la hen susu an va nye hosebe. Ke wan ebe karier politika e ble wan. Amere kwe maten bazen. Kwa le nye ame fifi be. Ne mi yo kwa. O ma so inovyo a o. Amike do kapasite. Amike la o do anye de ya. Eye o chana. Eye ola chan. Donc a ni npo e ni problème on ni be c 14 le lomé o gbakoto le té o gbakoto la forte kaka mi le fifi a e gome ni be e responsable politique allo mi ameko o le e ni ne be haso so vo vo vo me a mi se gome be egbe a e ni ne be nu magba nani o ni ne be nu magba nani o donc a mi se a mi se gome fifi be C'est 50 ans, alors c'est 51 ans, il y a mis le doigt ya ya. Il y a mis le doigt ya ya. Oh, il y a Egbe. Il y a mis un autre. Egbe n'est pas un ami. Il y a mis un thème, il y a mis un vieux, il y a mis un joli. Il y a mis un joli. Il y a mis un joli. Il y a mis un joli. Il y a mis un joli. Il y a mis un joli. Il y a mis un joli. Il y a mis un joli. Il y a mis un joli. Ni kosio voa agbetomini eten jofa voa nini benene benu la joa amiala butame swenti subo la biedo ko sebe la biedo ko sebe a foke le deade ele profitable allo eni enu nyuere ne togo be dukoa ne to se gonbe a ropoa e o sebe mo kosebe la do ebe gomi ni ne voa nya ko proposition ko wachambe miado presidence tournante Ote Nwefa, assise que mine il est Dakar, et du 2 au 4 mars. Mina pour nous poser nous pas tanti, et Kodi Togo le yé le webe assise. Et ma de gomme tchan vide pobe, que mi pari a structure comme il d'anya, structure provisoire boni. Mi be 3 mois après, mina trop dogo, yé mi la do. Ani structure définitive donc à Dakar Emile Diawo miabe à 6 heures le fifi et du 2 au 4 mars Amérique pété va organisation de pété que dia et va pour mia de soso et nyako blanc chanti de que mila wé yé mia no duo comme leadership be nya de na foi nya on pas terminer pour nous poser un petit yemi la po e do mi akpo do e do nti mi akpo solution no akpata Yeti, m'balé lancer appel à le fier. Be a me konte va pario. Ye gakemiye mi do kodi togo. A me konte va pari. Yo participe newa. Ma de koukounobe, wava Dakar. Ni wava Dakar ni. Mia patamia atro de susu. So kodi togo anti le kemi la tui. Ye belani enu. Ke ye la ten kpelo togo vio ti la kpelo mi anti le diaspora. Me tutu ma mia son odu. E a kpelo togo di vio ti. E ya von kemi le wa. Mia temu kudo parti politik C14. Kudo Front Citoyen Togo debout. Mia te wodo la si la si me. Ni mia temu bravo ya di. Mouni nou vi benyo. Mbalek blanke. Mouni nou vi benyo. E gbe la nou touna mi kempe mi la temu bravo ya di. Avou ya. Nou mi biyo mi a fofo va ya. Ola glena mi be. Eke mi lo fifi ya. E nyo. Ne diaspora chan. E alo parti politik o. Alo mi a pata e gbe no douna mi ga on me va ya. Mi man o fi e gbe. Mba li te gbe lwe di ke. Be mi man o fi e gbe. Nou ya la ke vo ho ho ho ho ho. Vo a mi se gome fifi be. A me si a me se gome fifi be. Gbe no dou e gbe. Gbe la no douna mi. E mi la te nou di. Ya me si a me. Chan, nou kpo kodi togo fifi a hao, vag mag mag mag mawen. E hao leme. Nou mi, mi ave sita di, koditogo.org. Nou yi sita di, ou la kpo hako le, kodi togo ame. Mi bak bole, kpo tole di, a kpe mi anovi kpo teo kon kpo vawa, ne wava, ne mi a otole, asi la seme. Nou kembe maso, mag bonso ni a wanchan ti wan, apeto a mos. Mag da kpe no chan, mon popo konam e troya yem tem so pou nou poni mian ovio so kodi togo onti akpe non kakakaka mi do akpe non do apo nou me dedita do nyayanchi e nyo akpe bana miyabe raso so kul kul kul kul yo azwa mi pompo swen ti ekbe ya togo vile kum kele tias pou la men ne lon turu ne le turu nyayanchi vevere e le vevere nto ma bi onja kwa toko te ya e chan le vevere nto e jeji ami gome lobin lobin lobin Le kemi lo lobinga o no. Ame a haya sosu tena titi la bebe kpo senato ya. Ame a tena titi bebe kpo ame ya. E di jok mou la yuvok mou la mou. Kemi vek be ya. Ame lo toma kpo mi nyiswe. Do a mi mtene no ju le kpo yo. Kafla lo lobinga le yuvode o. Na me yo va haya sosu ya va. Haya sosu bula va nyade kwa kwa mi yu regulon. E le sikbe yuvok ze konte ou miyante mi yu masubo. Le ke kodi to go di be ya o lobinga o ya miyasina. E haya sosu kote ou yu kwa ta o lobinga o. Le kebe le nyabo le kodi to go ado. Lo bin be nyaya yin be ke mi to le mi troso paria. Nyan be komite do pilotaja. E wo, e nou bogbo deyo ke ye le trive pou mi le ya. Vwa, e nou o soubo. Toutoukman yin be, e yon la womane se deya obe, e prezident wapata. Le le woman wame ya, le ta wame ya. E de ton obe, monsieur Fonya Singbea qui est le président de CDAWA yo le dekou mi le dekou no be no a de jole CDAWA be CDAWA be ta don't ya wa ko ni président wa pata ke ni président de Founoa o eliro o do fio o do o dakono mi wede e yo va président sa mi agba mouni président benio Mim togo vyon da konyo. E fiyan kwa e. Vwa. Nou akpole koube le wo togo tora. Le wo togo tora. E miyo de ka pek. Benyi djou de ka kele founwa. Mindo demokrasyo. Vwa. Wanto wek blanbe. Ne ondo demokrasi la apo djoume waman. Non. Se deya waman. E togo bebe yema sinye wa. E tia mi de koukounan. Ne wa adejo. Pas de jolie, c'est des oies, bêta. Voilà, mi balèque blanc, l'état, je me chambé, on va tromper de mes domio. Et, mi balèque blanc, chambé, mi ava dogo, wana mi, mon popo, ni, mi atem, adogo, mi le yidaka, du 2 au 4 mars, ni so. Ni mi ya, mi la dogo, do, le wame, président do, mi la dogo, Et le possible, mi la ten dogo, wapata, ne, miak blon, nyak, kemi lek blon ya, miak blon, non, nkoume kou, nkoume. Et nous avons une présidence française. Et nous avons pour nous poser que nous avons une situation. Et nous avons une situation à l'élo. Et nous avons une situation à l'élo. Et nous avons et nous avons dogo wana mi mon popo ni mia dogo ni mia ponu ponu soli ke mia be e du kwa le duaya e ye le ke nu ke yo yo français ola te wo la te pero mia tini mia tende monsieur fonya singbe jo la zipiadia hein mi po ho e noa le ko letra e letra o jo an po didio donc pa mi po ho e mia blombe don ti le pepe so ne ne ba me ogbo adio e mi la ni sorti à Mila, donc, et quand je dis que le bien doit me faire, on va me faire parti politique, on va me faire un affaire, Maison Blanche, et président Trump. L'état, on va me faire un affaire, on va me faire un affaire. Et mi soroda ni nimba me ocha hein et nous komi o le apa on die wa de ce pays be apadia ce pays unifié et président ko o nous drang wa mele wa be du me fi ko verdona ko jono le ovode le holanda hein mi hu dossier ro funwa cha et mi ano vi le ka le germany le ko di togo me et mi hu dossier le ce pays et ma ou ba lo doa on a mis numéro de dossier et comme ni be et nous ko pata mi so yi et DVD ko do nous ko pata et coupure de journaux et les ki atrocité allo nous manye ma eko le ol mi ave dume et mi le do nous di mi so yi o so donné ne be nous mi hein eli mi ba po bo mi la so no ikekeka gbe wan gbe ki la yin gbe wan gbe a o la de nu oto et miti ma pour mi anovi ko le se mi ayabe no do ende allo do journal yo allo do dvd yo allo do video yo ye enu mai mai yo limi so togo vi olu wo so mi ambe so jolo ku mi ambe togo vi o eh ni odo kunu contacte ko di togo ni wa so enami ni mi ate so va daro se pays a so va tofe de si ale et ce pays mi wo mi de afocha so yi amnesty international wa yo bio mi detenu ameko le be list ha mi hono ka e mi pon ni be list ye mi so yi na wacha ole odole ni ne be nu nti fifi mi ano video le mi surtout le États-Unis les filles, on tient le code du Togo mais on prend contact coup de congrès, coup de sénat et coup de organisation do ko les miabe Washington DC be zone les filles ko pona droit de l'homme nyogbo hein on prend contact coup de nenembe et nous on tient elle est en cours et mia bon pour nous on y est mis les wo vraiment bagbon y a des chani be lobina et gabe nyabe ni ega benya beni neni be mi do fon de fifi la nami be mi la tem nenya de jolfi mi la ten yave ave hoe allo mi ame abe mi ava po fifi di mi la ten yi allo ame do tole e aso so dole o ya nu acha po ona va obiona ga nu ya mi on to pe le wale mi anu no do mi fifi pou do mi on to be moyen vi ke le mi asia voa et amila ni mi daka ni so amila ko n poso ntile ke mi la tro wedo ya mo la pelu mi anti togo vi o ko le gbe adi gbe odi o la pelu mi anti e mi ate reussi e cha mi la we magbon be nu o e mi wo kaka akoro fifi voa magba te gure di be e 1 mois 2 mois 9 décembre 2017 ye mi do ko di togo voa e nu ko mi wo kaka ba do fifi ya ye wa mni nu fifi be ni mni mni nu fa mvi tukui beni onu gande ni nu won pata don ti a azon li gbogbo re beni azon li gbogbo re beni emi an ovi ozon wa mi temu wa kakawa do fifi nu buo poto mi lagbawo mi le wecha ni mi gba ida.